La rivière folle, par Léon Lambry. Je dis, James, que le Fraser est le plus terrible fleuve de la Colombie anglaise, et que ce serait folie de vouloir le descendre sur un petit bateau comme celui-là. C'est pourtant ce que veut faire le jeune Vincent, et sur mon honneur, il le fera. Son père est ingénieur dans la maison française qui vient de s'établir sur le lac inférieur. Il a fait monter ici, pièce par pièce, le vapeur que tu vois, et il prétend lui faire descendre le fleuve. Il ne pourra pas. C'est à craindre. Aussi, les directeurs de l'usine, après avoir pris leurs renseignements, lui ont-ils interdit de tenter l'aventure. Oui, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que son fils Vincent, sans ébruiter la chose, s'est juré de remplacer son père. Quel âge a-t-il, ce Vincent? 17 ans. Un gamin. Possible. Mais un gamin qui a du cran. Laisse-moi rire. Dis plutôt qu'il est fou, comme beaucoup de ses compatriotes. Au reste, je suis tranquille, personne ne voudra le suivre. Qu'en sais-tu? Les frères Martin, qui ont 2 ans de plus que lui, s'engagent à lui servir de chauffeur. Qui te l'a dit? Eux-mêmes. Des Français aussi? Oui. Ils sont fous. Non, ce sont des Français. Voilà tout. Parbleu, il n'y a que des gens de ce pays-là, et des enfants encore, qui puissent s'amuser à risquer leur peau par bravade. Eh, mon cher, c'est crâne. Non, c'est bête. Le Fraser est traître. Les montagnes rocheuses au Pacifique sont courtes et pleines d'embûches. À l'endroit où nous sommes, il est plus dangereux qu'ailleurs. Il est certain que ses rives sont particulièrement resserrées. J'avoue que le courant est dur jusqu'au lac. Dis plutôt qu'il est fantastique. 15 000 à l'heure pour le moins, et il y a pire. Jolie idée qu'a eu l'ingénieur Lardé de faire monter son vapeur sur place. Il y était bien obligé. Comment l'aurait-il amené jusqu'ici? Le courant, périlleux à descendre, est impossible à remonter. Mais, encore une fois, qu'avait-il besoin de le descendre? Je n'en vois pas la nécessité. Tu ne la vois pas, c'est possible, mais mon cher Girton, tu n'es pas ingénieur. Je suis un vieux pionnier, ce qui vaut mieux, et puis, que veut-il prouver par son voyage? Que le Fraser est navigable? En tout cas, pas avec un bateau comme le sien. Et après, tu reconnais toi-même qu'il est impossible de remonter le courant. Sans doute, mais pour l'instant, il ne s'agit que de le descendre, et en vitesse, je t'en réponds. Or, je me dis qu'un ingénieur de la force de Lardy ne fait pas les choses à la légère. Il a un but en tentant l'aventure. Lequel? Je n'en sais rien, mais il est à présumer que la chose a son importance. Il ne risquerait pas des vies humaines, sans parler de la sienne, pour le seul plaisir de montrer son courage. Connaît-il le fleuve? Il l'a étudié. Ce n'est pas suffisant. Le Fraser a 1 300 km et son niveau varie sans cesse. On croirait, Girton, que tu es intéressé dans la question. Moi? Tu en as de bonnes. Il me déplaît de voir de braves gens courir à la mort. Voilà tout. Ton ingénieur est un fou, mais son fils l'est bien davantage encore. Et si je le rencontrerais, qu'est-ce que tu ferais? Je ne me gênerais pas pour le lui dire. Parbleu, le hasard te sert, le voilà précisément qui vient vers nous. On croirait, Dieu me pardonne, qu'il a l'intention de nous parler. Ça, par exemple. Bonjour, messieurs, cria de loin Vincent, voyant les deux hommes tourner les yeux vers lui. « Bonjour, monsieur Vincent, » dit James, à son tour tandis que Girton regardait curieusement le nouveau venu. C'était un jeune homme au visage énergique, auquel on eût facilement donné 2 ans de plus que son âge. Ses yeux brillaient étrangement, et dès le premier abord, Girton subit malgré lui son ascendant. « Dommage, » grommela-t-il, « qu'un gaillard de cette trempe aille se rompre le cou sur les rochers du fleuve. »« Il aurait dû nous consulter, » fit James entre haut et bas. « Et qui vous dit ?» s'exclama gaiement Vincent, qui avait entendu, « que je ne vienne pas vous demander votre aide. »« Notre aide !» répétèrent en même temps les deux hommes au comble de la surprise. Et Girton ajouta, « Je ne comprends pas. »« Voilà !» déclara Vincent, d'une voix qui ne tremblait pas. « Pour des raisons qu'il est de mon devoir de tenir secrète, j'ai promis, ou plutôt je me suis promis, de conduire demain l'Audax au lac inférieur. Par ses propres moyens, il y sera. » Girton porta machinalement la main à sa casquette et demanda d'un ton légèrement ironique « C'est le petit vapeur amarré au bord de l'île que vous nommez l'Audax ?»« Oui. »« Et vous voulez qu'il atteigne la ville sur le lac inférieur ?»« Je le veux. »« Eh bien, laissez-moi vous le dire, c'est fou. »« C'est fou, mais pas impossible. »« Je pense que vous avez 9 chances sur 10 pour rompre le coup. »« Du moment qu'il y a une chance pour passer, je passerai. »« Non, c'est à peu près impraticable. » Ce mot-là n'est pas français. Retenez bien ce que je vous dis. L'Audax sera brisé avant d'atteindre le trou d'enfer, et si par miracle il l'atteint, car ce serait un vrai miracle, il ne le dépassera pas. et il le dépassera, monsieur Girton, si vous consentez à le conduire. Hein ? Fit le pionnier, croyant avoir mal entendu. Je vous demande de monter à bord avec les frères Martin, mes camarades, et avec votre ami James. » La foudre tombant aux pieds des deux Anglais ne leur eût pas causé une stupeur plus grande. « Vous voulez ?» commença Girton. Mais la voix s'arrêta dans sa gorge, l'indignation l'étouffant. « Je comprends votre étonnement et même votre indignation, » dit tranquillement Vincent. « Après la façon dont vous avez jugé l'entreprise, il vous paraît impossible de monter à bord, mais je sais bien, moi, que vous y montrez. Jeune homme, la plaisanterie a des limites. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous y montrez parce que vous êtes l'homme qu'il me faut, connaissant parfaitement le Fraser et capable de diriger l'Audax. Les frères Martin seront à la machine, moi sur le pont, vous à l'avant et James au gouvernail. Non, mais vous avez une façon d'arranger les choses. Je les arrange le plus simplement du monde. Et vous croyez que je marcherai ? J'en suis sûr parce que vous êtes anglais et que vous ne voudrez pas que vos amis les Français soient les seuls à se conduire en écervelés. Parbleu, si je vous laisse cet honneur, ne vous montez pas la tête en ce qui me concerne, je ne pars pas. Mon Dieu, que de paroles inutiles, demain à l'heure fixée pour le départ, vous serez là. Non, vous y serez. La figure de Girton exprima un tel ahurissement que James éclata de rire. Vincent reprit sans s'émouvoir. J'expose les raisons du succès. Primo, le choix de l'équipage. Secondo, la rapidité même du courant. Nous ne luttons pas contre lui, nous le suivons. Tertio, notre volonté de vaincre. Un silence embarrassé suivit ces paroles. Il y avait dans la voix et dans le regard de Vincent une puissance extraordinaire. Ce jeune garçon possédait la force, sa volonté s'imposait, Girton résista. « Je ne suis pas mûr pour le suicide, » dit-il, et il fit mine de s'éloigner. « Attends, » murmura James, « la question du courant peut se défendre. C'est une autre chose de se laisser porter ou de lutter de front et... Je me demande... Tu ne m'as pas cédé, j'imagine. Je ne cède pas, mais je m'en renseigne. Combien donneriez-vous pour le risque à courir ? Je ne sais pas ce qu'aurait offert mon père. Moi, je ne suis pas riche. Ce que je possède sera mis dans l'entreprise, c'est-à-dire $200 par personne. Qu'en penses-tu, Girton ? J'aime mieux ma peau. Mettons $200 pour moi et 100 pour Girton, si je suis tué. Entendu ? Alors, je marche. Bravo. Tu divagues, cria Girton. Je ne te laisserai pas partir. Tu feras mieux. Demain, tu viendras avec moi. C'est idiot. À la rigueur, déclara Vincent, je peux me contenter de James. L'aîné des Martins sera à l'avant. Moi, je prendrai sa place. C'est idiot, répéta Girton. Il s'éloigna en levant les épaules. À quelle heure demain ? Demanda James. 8. J'y serai. Le pacte étant conclu, Vincent compta $200 qu'il remit à James. « Je paye d'avance, » dit-il. « À demain. »« À demain, » répondit James. Et il rejoignit Girton. Les pionniers parlèrent ce soir-là, et la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le départ de l'Audax fit bientôt les frais de toutes les conversations. Les Canadiens, à l'exemple de Girton, s'accordaient à considérer l'entreprise comme une folie. La plupart déclaraient qu'ils ne partiraient pas. Le lendemain, de bonne heure, une foule bruyante se pressait sur les rives du fleuve. De toutes les fermes du voisinage et même des concessions plus éloignées, des familles arrivaient, les unes à pied, les autres en carriole, apportant avec elles leurs provisions. Des hommes rudes hochaient gravement la tête et s'apprêtaient à lancer des corps de naufragés si le premier rapide n'était pas franchi. Le fait prenait l'importance d'une bataille et c'était bien d'une bataille qu'il s'agissait. La lutte qui allait s'engager serait terrible. C'était un défi de l'homme à la nature, un formidable combat entre le fleuve et l'insecte humain. Mais si, d'un côté, se trouvait la force brutale, de l'autre se trouvait l'intelligence et la volonté. Le Fraser semblait se préparer à engloutir sa proie. Les glaçons des montagnes rocheuses fondaient pour augmenter sa force. Les lacs supérieurs déversaient leurs eaux dans le canal resserré qu'allait franchir le vapeur. Que feraient Vincent et ses amis contre leur fureur ? La coque de noix qui les portait ne se brisera-t-elle pas contre les rocs, bien avant d'avoir atteint le lac inférieur ? Soudain, un frisson parcourut la foule. Là-bas, du côté de l'île, une mince colonne de fumée montait, l'Audax était sous pression. Vincent Lardy tentait l'impossible, le combat allait commencer. Sur le vapeur, tout était prêt. « James, » fit Vincent d'un ton de commandement, « prenez la roue !» Les câbles se tendirent. Coupez ! Cria le jeune capitaine. Francis Martin leva sa hache. Stop ! Cria quelqu'un. Le Français tourna la tête et aperçut Girton. James, tu persistes à partir ? Oui. Rien ne t'arrêtera ? Rien. Alors tant pis, je vais avec toi. D'un bond prodigieux, le pionnier sauta sur le pont. Coupez ! Répéta le capitaine. Coupez ! La hache de Francis s'abattit sur le dernier câble. Jeune homme, fit Girton en croisant les bras sur sa poitrine, vous m'avez pris James, je me venge. Parbleu, répondit Vincent, je savais bien que vous viendriez. L'hélice commençait à tourner. Pleine vitesse, cria Girton, prenant d'instinct le commandement. Regarde-moi, James, guide-toi sur mes gestes, notre sort est dans tes mains. Debout, à l'extrémité de la proue, le corps penché en avant, le pionnier tendit le bras droit. « Parez !» dit James en donnant un coup de barre. Vincent eut un sourire indéfinissable. Un torrent d'écume jaillit et l'Audax, bondissant comme un coursier, se jeta dans le courant. Sur la rive, un hurrah prolongé salua cette manœuvre hardie. Puis ce fut le silence. Les Français se découvrirent et dans une angoisse profonde, on attendit. Le bâtiment, frémissant dans sa membrure, passa devant la foule interdite, évita l'écueil et s'engagea entre les falaises où le courant resserré l'entraîna à une vitesse folle. À partir de ce moment, on ne vit plus rien. Girton, arc-bouté afin de résister au choc, étendait tantôt le bras droit, tantôt le bras gauche, et James, cramponné à la roue, obéissait aveuglément. Le vent sifflait à ses oreilles, les embruns lui fouettaient le visage, mais ses yeux ne quittaient pas Girton. Un faux mouvement, c'était la mort. Le sort de tous lui était confié. Les frères Martin étaient à leur poste, dans la chambre des machines. Vincent songeait. Ce jeune fou continuait à sourire, comme s'il ne jouait pas sa vie. Ses yeux ne perdaient aucun des mouvements de James. La nouvelle de la randonnée se répandait et de toutes parts accourait des colons. Un vent de mort soufflait. Les hommes avaient l'air de statues. La partie la plus resserrée du fleuve allait être franchie. « Maximum de force !» commanda Girton sans se retourner. Mais le Dax ne pouvait faire mieux. « J'ai tout donné !» cria le mécanicien. « Bien !» répondit Vincent, impassible. Et la course fantastique continua. James, les mains crispées sur la roue, éprouvait une lassitude infinie. Une irrésistible envie de dormir s'emparait de lui. Et les spectateurs terrifiés, qui apercevaient de la rive ce bateau fantôme bondir au milieu des cascades, s'attendaient à le voir voler en éclats. Cependant, il passait, guetté par l'abîme. Le péril évité, un autre surgissait. La rivière semblait vivante. On eût dit un cobra gigantesque déroulant ses anneaux pour enserrer sa victime. Vincent jouait sa vie et ses dollars, mais que lui importait? S'il sortait vainqueur de la lutte, il gagnait une gloire plus précieuse que l'or. Il démontrait que les calculs de l'ingénieur étaient justes, que le Fraser pouvait être dompté. D'autres, après lui, reprendraient sa tâche avec des moyens meilleurs. Il resterait l'honneur d'avoir ouvert la voie. Ne valait-il pas mieux mourir pour une idée grandiose que de la laisser dérober? Dans la salle de chauffe, les frères Martin, malgré leur gaieté factice, sentaient confusément ces choses. Ils se dévouaient avec une coquetterie bien française dans le poste le moins en vue, mais le plus dangereux. Devinant que la crise touchait à sa fin, ils guettaient le manomètre, prêt à tout tenter pour le succès. Une lointaine acclamation leur apprit que le chenal était franchi. « Tout va bien !» dit Francis. Mais une violente secousse le jeta sur le sol. L'Audax, soulevé comme une plume, descendait les rapides. « Forcez !» hurla Girton dans le vent. Les deux frères chargèrent la chaudière à la faire éclater. On traversait la passe terrible que les riverains nomment le trou d'enfer. L'Audax se cabrait sur les flots. James ne pouvait plus le maîtriser, ses forces le trahirent. « À moi !» cria-t-il, éperdu. Il roula sur le pont, mais déjà Vincent, enjambant son corps, avait saisi la roue. Ce qui suivit peut difficilement se décrire. Girton, étendu sur le ventre, n'indiquait plus la direction que par des mouvements saccadés. Francis, tombé près de la machine, avait le front fendu. James gisait inanimé sur le pont. Vincent tenait toujours la roue, blanc comme un linge, les dents serrées, il ne riait plus. Soudain, une clameur immense emplit l'air, le trou d'enfer était franchi. Girton, ballotté de droite à gauche, avait l'air d'un homme ivre, et pourtant les secousses devenaient moins dures, le vapeur obéissait. Là-bas, sur la rive, se pressait la foule, et la clameur grandissait. La nouvelle de la folle entreprise était arrivée avant l'Audax. Toute la ville était là pour acclamer les vainqueurs. Le bâtiment filait à bonne allure, en raison de la vitesse acquise, mais déjà, il entrait dans le lac inférieur. Vincent en était maître. On le sentait dompté. Les hurrahs se mêlaient au bruit de l'hélice. L'Audax glissait sur une eau plus calme. La victoire était remportée. Vincent s'aperçut debout sur un rocher son père et sa mère qui lui tendaient les bras. Sa main ne trembla pas. La roue tourna lentement. Le jeune garçon dominait ses nerfs comme il avait dominé le Fraser. Le vapeur, docile, vint se ranger contre le quai. Une multitude en délire applaudit. On lança la passerelle. Quelques privilégiés montèrent. « Occupez-vous de James !» commanda Vincent. Puis, comme son père arrivait, fier et tremblant, il fit un pas vers lui. Mais cette fois ses forces le trahirent, il s'évanouit. Lorsqu'il revint à lui, quelques instants plus tard, sa mère le pressait sur son cœur. James buvait un cordial. Les frères Martin le regardaient. Girton ne disait rien, mais sa figure exprimait un contentement profond. « Merci, » dit l'ingénieur d'une voix mal assurée, tandis qu'il serrait la main de tous ces braves gens. « Je vous emmène. Il convient de vous offrir un festin digne de votre exploit. » L'équipage de l'Audax se mit en marche derrière Vincent, au milieu d'un enthousiasme indescriptible. Une double haie de curieux s'écartait sur leur passage et les vivats les accompagnèrent jusque chez eux. Après un repas rosé de vin de France, l'ingénieur annonça qu'il doublait les gages promis par son fils et déclara qu'il voulait régler l'équipage sur le pont de l'Audax, témoin de sa victoire. Cette proposition fut acceptée et après un dernier toast, on se rendit sur le bateau. Lorsque tous les hommes, réunis en cercle, eurent touché la récompense promise et que trois hurrahs eurent été poussés par les pionniers en l'honneur de leur hôte, Vincent se dirigea vers la proue, étendit le bras droit dans la direction du fleuve et une expression de triomphe se peignait sur ses traits. Il regarda le Fraser d'un air de défi, jeta la tête en arrière et se retournant vers ses camarades, cria d'un ton impossible à rendre « Eh bien, Girton, nous l'avons eu !» C'était « La rivière folle » par Léon Lambris.